Nous avons vu que pour indiquer un besoin, un bisogno, l'expression française il faut peut être traduite en italien par bisogna. Bisogna, oui. Et comment diriez-vous il faut que je lui parle tout de suite? Sachant que dans cette phrase, lui correspond à lui et pas à elle. Bisogna che io gli parli subito. Très bien. Bisogna che io gli parli subito. Si on met la phrase au passé, il fallait que je lui parle tout de suite. En français, on a toujours parle. Mais en italien, on emploie un autre subjonctif qu'on appelle subjonctif imparfait. Cette forme s'utilisait aussi en français autrefois. On disait « il fallait que je lui parlasse ». Mais elle s'est perdue depuis et ne survit plus que dans la langue littéraire. En italien, on continue de faire l'accord. Si le premier verbe est au passé, il fallait, alors le suivant l'est aussi. Que je lui parlasse. Che io gli parlassi. P-A-R-L-A-2-S-I. Parlassi. Vous voyez que la forme française et la forme italienne se ressemblent. Parlasse, parlassi. Ça pourra vous être utile pour retrouver le subjonctif imparfait en italien. Donc, comment traduiriez-vous la phrase entière? Il fallait que je lui parle. Ou, littéralement, que je lui parlasse. Commençons par « il fallait ». Pour obtenir l'imparfait, vous devez partir de l'infinitif de « bisogna ». Qui est, à votre avis? Bisognare? Oui, c'est bisognare. Donc, il fallait se dira? Bisognava? Tout à fait, bisognava. Bisognava que je lui parle tout de suite. Bisognava che io gli parlassi subito. C'est ça. Bisognava che io gli parlassi subito. Donc, vous voyez qu'il est important de connaître non seulement le subjonctif présent, mais également le subjonctif imparfait, qui s'emploie beaucoup plus en italien qu'en français. C'est un temps très facile à former. Commençons par les verbes en are, disons parlare. Nous avons vu que pour je, la terminaison était assi, a de S-I, qui va encore une fois fonctionner pour plusieurs personnes. Je, io parlassi, tu parlassi. Mais par contre, c'est un peu différent pour il, elle ou le vous du vouvoiement, qui donne parlasse, avec un E à la fin. Pour il ou elle au pluriel, on a parlassero. Pour nous, parlassimo. Et pour voi, on a parlaste. Faisons une phrase avec nous. Par exemple, il fallait que nous parlions. Ou que nous parlassions, si l'on veut. Bisognava che pa parlassimo. Bien, effectivement, c'est parlassimo. Et la première personne du singulier, je. Parlassi. Parlassi, oui. Tu? Parlassi. Parlassi, c'est ça. Et nous? Parlassimo. Parlassimo, oui. Et il, elle ou vous, lorsqu'on vous voit son interlocuteur, qu'est-ce que ça donne? Parlasse. Parlasse. P-A-R-L-A-2-S-E. Parlasse. Et pour vous? Voi? Parlaste. Attention à l'accentuation. Parlaste. Parlaste. Et il ou elle au pluriel, ça donne quoi au subjonctif imparfait? Parlassero. Parlassero. Je récapitule les formes du subjonctif imparfait pour parlare. Donc, un verbe en are. Parlassi, parlassi, parlasse. Parlassero. Parlassimo pour la forme qui correspond à nous. et puis parlaste pour le vous pluriel. Reprenons encore une fois. Il, elle ou le vous du vouvoiement, c'est parlasse. Parlasse, oui. Et voi? Parlaste. Parlaste. Il ou elle au pluriel, ça sera parlassero. Parlassero, c'est ça. Et je? Parlassi. Parlassi, oui. Et tu, ça sera parlassi. Parlassi, oui. Et pour finir, nous, ça donne parlassimo. Parlassimo, bien. Donc, ça c'est le subjonctif imparfait des verbes en are.